Et si ce postulat introductif qui est consubstantiel de la science-fiction s'applique la plupart du temps à une variation future? Et si les extraterrestres prenaient contact avec nous? Et si le voyage interstellaire était découvert? Mais lorsque ce « et si » science-fictionnesque se retourne vers le passé, c'est un nouvel univers de possibles qui s'ouvre, celui de l'Uchronie. Et si Adolf Hitler avait été tué pendant la Première Guerre mondiale? Et si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo? Et si les dinosaures n'avaient pas été éradiqués par la comète? Et j'en passe. Toucher à notre passé, c'est toucher à presque tout ce que nous sommes. Bienvenue dans le présent antérieur. Uchronie, le passé décomposé, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces réécritures de l'histoire et ces univers parallèles, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Karine Goblet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur avec Bertrand Campéis du Guide de l'Uchronie qui vient d'être réédité dans une version augmentée en poche chez Helios. Bonjour Xavier Delacroix. Bonjour. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif L'Autre Siècle, compilation de textes d'historiens et de romanciers partant tous du même point de bascule. Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne pendant la Première Guerre mondiale? Mais avant de nous plonger dans ses passés, dans ses présents et dans ses futurs alternatifs, nous restons quelques minutes encore les deux pieds ancrés dans le réel de l'actualité scientifique de la semaine avec celui qui, comme Mélanie Laurent, tue Hitler dans ses rêves depuis qu'il a 4 ans. C'est Antoine Beauchamp pour le Journal des Sciences. Bonjour, Antoine. Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et pour commencer, premier sujet de ce journal des sciences, une étude parue dans Nature Microbiology lundi alerte sur la propagation d'une bactérie multirésistante dans les hôpitaux du monde entier, Antoine. Oui, ce staphylocoque blanc, staphylocoque epidermidis, se trouve environ sur 100% de la population humaine, et plus précisément sur notre peau. Alors on le rappelle, un staphylocoque est capable de coloniser un individu sans systématiquement induire d'infection, mais il peut de temps en temps provoquer une infection plus ou moins grave. Les patients qui sont les plus susceptibles d'être gravement infectés par ce staphylocoque blanc sont ceux qui présentent une immunodéficience. Alors l'étude australienne parue en début de semaine révèle que ces staphylocoques epidermidis sont présents dans une très grande quantité d'hôpitaux dans le monde et sont de plus en plus résistants aux antibiotiques. Le professeur Frédéric Laurent a contribué à cette étude. Il est professeur de microbiologie à la faculté de pharmacie de Lyon et chercheur de l'équipe pathogénèse des infections à staphylocoque du Centre international de recherche en infectiologie. Il nous explique pourquoi il faut prendre les résultats de cette étude au sérieux, mais aussi pourquoi il ne faut pas tout de suite crier au fléau mondial. L'étude de nos amis australiens, ça a été d'abord d'étudier leurs souches au niveau d'un hôpital et au niveau de leur région. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils avaient des staphylocoques epidermidis qui étaient responsables d'infections, pas chez tous les patients, mais plutôt des patients fragiles. Et ils ont montré que ces staphylocoques epidermidis étaient relativement résistants aux antibiotiques. La deuxième chose qu'ils ont montré, c'est que cette résistance aux antibiotiques était ce qu'on appelle une multirésistance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des bactéries résistantes à une famille d'antibiotiques ou à deux familles d'antibiotiques, là on avait une résistance à de nombreuses familles d'antibiotiques, notamment toute la famille des pénicillines, qui sont extrêmement importantes pour traiter les infections staphylococciques. La particularité des souches qu'ils ont montrées en Australie, c'est que ces souches-là, elles étaient résistantes à un antibiotique, la rifampicine, et que le mécanisme qui permettait la résistance à cette rifampicine, en fait, il permettait aussi la résistance aux antibiotiques de la famille des glycoptides, de la vancomycine. Donc en fait, un même mécanisme entraîne une résistance à plusieurs familles d'antibiotiques. Bien sûr, c'est un problème, l'article est très intéressant, il ne faut pas non plus être alarmiste. Ce qui est particulier là, c'est que c'est des souches qui sont en Australie, on a exactement les mêmes en France, dans d'autres pays d'Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Ce sont ce qu'on appelle des clones, c'est-à-dire une souche bactérienne particulière qui se met à parcourir des grandes distances, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Là, l'étude n'explique pas pourquoi on a cette dissémination au sens large, mais c'est sa capacité à devenir ce qu'on appelle, non pas épidémique, mais là, endémique, et à parcourir de grandes distances. Ça, c'est un problème. Pour ce qui est du traitement, il faut là aussi être raisonnable. On a un niveau, bien sûr, de multirésistance aux antibiotiques. On n'est pas, pour la plupart des cas, dans des impasses thérapeutiques. Il reste des alternatives. Donc, ces souches-là, on en a en France. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas mesuré exactement l'étendue de la fréquence de ces souches en France et si elles étaient très très fréquemment retrouvées. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours pour savoir quel est l'état, ce qu'on appelle de l'épidémiologie de ces clones-là, de ces clones de Staphylococcus epidermidis en France. Voilà, la question, c'est bien sûr celle de l'antibiorésistance, hein, question cruciale à laquelle nous avions consacré une émission entière et qui est l'un des points clés de cette étude, Antoine. Oui, et cette multirésistance des staphylocoques aux antibiotiques, elle est finalement pas si étonnante que ça. Selon l'Institut Pasteur, qui s'appuie sur les chiffres des services hospitaliers, entre 20 et 50% des souches de staphylocoques sont aujourd'hui antibiorésistantes. Alors le professeur Jean-Luc Ménardi, qui est chef de l'unité de microbiologie clinique à l'hôpital européen Georges Pompidou et spécialiste de l'antibiorésistance, nous explique les pistes de recherche envisagées pour contourner cette résistance, mais tout d'abord il nous donne les explications de l'apparition d'une antibiorésistance chez une bactérie. L'explication, en fait, c'est plurifactoriel. Et parmi ces facteurs, il y en a qui sont propres aux bactéries, et puis il y en a qui sont propres au comportement que nous avons eu au cours du temps, je pense essentiellement à une consommation excessive d'antibiotiques. Alors parmi les facteurs bactériens, les bactéries ont au sein de leur génome la capacité de faire ce qu'on appelle des mutations, et ces mutations engendrent des résistances aux antibiotiques, ou alors elles ont la capacité également d'acquérir du matériel génétique étranger, qui sont portés essentiellement par des plasmides ou des transposons. Et ceci est tout à fait important puisque ces éléments génétiques qui confèrent la résistance peuvent passer d'espèce bactérienne en espèce bactérienne. En fait, ces bactéries s'échangent du matériel génétique qui porte des gènes de résistance. Quand on décèle une antibiorésistance chez un staphylocoque, qu'est-ce qui est mis en place pour contourner cette antibiorésistance et trouver une autre piste de soins? Il y a deux mesures qui sont prises. Premièrement, ce sont ce qu'on appelle les mesures préventives par les soignants, qui est essentiellement le lavage des mains, pour éviter qu'on transmette d'un patient à un autre patient les bactéries, parce que c'est une, en ce qui concerne les staphylocoques, pour les staphylocoques durés, c'est ce qu'on appelle des infections manuportées, c'est-à-dire portées par les mains. Le deuxième axe, bien entendu, c'est un axe de recherche pour avoir de nouveaux antibiotiques. Il faut quand même savoir qu'à ce jour, pour tout ce qui a été développement de vaccins dirigés directement contre les bactéries, je ne parle pas de prévention vaccinale avec les anticorps, etc., qu'on a pu développer pour tout ce qui est virus, à ce jour, pour l'instant, cette piste de vaccination contre les staphylocoques en particulier n'a pas abouti. Mais ça fait dans une logique de trouver aussi des alternatives aux antibiotiques. Et il y a un certain nombre de recherches qui se font sur des pistes pour justement ne plus utiliser d'antibiotiques, du moins moins on utilisait avec des thérapeutiques alternatives. Voilà, et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission @lamethodefc, de l'émission complète que nous avions consacrée aux problèmes liés à l'antibiorésistance. En bref, maintenant, une étude alerte sur les risques liés à la prise au long cours du traitement hormonal Androcur. Cette étude a été menée par l'assurance maladie et le service de neurologie de l'hôpital Lariboisière. Alors un petit rappel, l'acétate de cyproterone, mieux connu sous le nom d'Androcur, est la plupart du temps prescrit aux femmes comme contraceptif, mais aussi pour lutter contre l'acné ou encore l'excès de pilosité chez les femmes et les personnes transsexuelles. Selon l'étude, donc, l'Androcur multiplie par 7 les risques de développer un méningiome, c'est-à-dire une tumeur cérébrale, chez des personnes traitées à forte dose pendant plus de 6 mois, et au-delà d'une prise d'Androcur pendant plus de 5 ans, ce risque est multiplié par 20. Alors si les méningiomes sont la plupart du temps bénins, ceux qui se développent en lien avec la prise à haute dose d'Androcur, en se multipliant et en grossissant, peuvent provoquer des déficits fonctionnels importants et des symptômes sévères comme des troubles visuels. L'étude révèle par ailleurs que dès l'arrêt du traitement d'Androcur, les méningiomes régressent. Des recommandations sont donc attendues d'ici la fin de l'année 2018. En attendant, l'ANSM appelle les prescripteurs à la prudence. La faculté de médecine de Lille décide de suspendre son diplôme d'homéopathie. Cette décision a été rendue publique sur leur compte Twitter la semaine dernière. La faculté lilloise précise qu'elle statuera, selon l'avis de la haute autorité de santé attendue d'ici à février, sur l'efficacité de l'homéopathie et le bien fondé de son remboursement. En bref, toujours, on part dans l'espace où la tache rouge de Jupiter pourrait bien révéler un de ses secrets. Il s'agit d'une étude du Goddard Space Flight Center de la NASA parue en début de semaine dans The Astronomical Journal, qui révèle que des traces d'eau sont présentes dans cet anticyclone géant de l'atmosphère de Jupiter. Cette observation vient confirmer une théorie énoncée de longue date, les satellites de Jupiter étant principalement composés de glace d'eau et la planète géante jouant localement le rôle d'un énorme puits de gravité. C'est grâce au télescope WM Keck et au NASA Infrared Telescope Facility installé à Hawaï que les scientifiques ont pu faire cette découverte en décortiquant les nuages à plusieurs altitudes de la célèbre tache rouge. D'autres observations sont à venir, notamment grâce à la sonde Juno. Deuxième sujet de la semaine, toujours dans l'espace, un vieux rêve d'ascenseur spatial serait peut-être, Antoine, sur le point de se réaliser. Oui, ce rêve, il date du 19e siècle, où déjà à l'époque, on pensait tendre un câble entre la Terre et l'espace. Mardi 11 septembre, une équipe de chercheurs japonais de l'université de Shinzuoka enverra pour la première fois de l'histoire en orbite une maquette d'ascenseur spatial. Il s'agit en réalité de deux nanosatellites de 10 cm de côté, reliés par un câble en acier de 10 mètres. Un boîtier motorisé circulera le long du câble entre les deux satellites, tandis que les caméras de ces derniers suivront leur progression. Cette première expérience va permettre de mettre à l'épreuve une idée qui n'est pas sans de grosses contraintes, mais ce sont des contraintes relatives aux avantages qu'on pourrait en retirer, comme nous le rappelle Jérôme Pérez, professeur d'astrophysique théorique à l'ENSTA Paris Tech. Il faut un câble qui est très long, il faut deux points fixes. Une orbite géostationnaire, c'est une orbite sur laquelle un point qui se trouverait sur cette orbite resterait au-dessus du même point sur la Terre. Donc là, on a deux points fixes. Et ensuite, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes, puisque d'abord, il faut mettre un objet qui est suffisamment lourd, parce que sinon, quand on va accrocher ce câble qui va avoir une masse assez importante quand même, ça va tirer sur ce point, et l'objet qui se trouve sur cette orbite, eh bien, il va perdre cette orbite. Typiquement, l'idée qui a été reproduite dans les scénarios de science-fiction, c'est d'aller chercher un astéroïde, ou de construire une station spatiale à cet endroit, dont la masse serait suffisante pour pas être perturbée par le poids du câble. Et là, à partir de là, on pourrait déployer ce câble et l'amarrer sur Terre pour le faire tenir. Quels seraient les avantages d'un tel système par rapport à une propulsion avec une fusée ? Alors, les avantages sont tout simplement colossaux. Comme vous le savez, actuellement, pour mettre une fusée en orbite ou un satellite en orbite, il faut sortir du champ de gravitation de la Terre. Et donc, il faut communiquer à la fusée qui va porter le satellite une vitesse qui soit supérieure à la vitesse de libération de la Terre, c'est-à-dire 11 km par seconde. Et donc, en fait, l'essentiel de l'énergie qui est déployée par la fusée est utilisée pour s'extraire du champ de gravitation de la Terre. C'est ça qui coûte le plus cher et c'est ça qui est le plus dangereux. Ça peut exploser à tout moment, comme on le sait très bien. Si vous disposez d'un dispositif tel que l'ascenseur spatial, vous n'avez plus ce genre de problème, puisque avec vous mettez des panneaux solaires, vous mettez deux roues d'environ 5 mètres de diamètre qui roulent le long du câble, motorisées par ce petit moteur solaire. Et là, vous roulez le long du câble et vous arrivez en moins d'une semaine en orbite géostationnaire sans avoir dépensé pratiquement aucune énergie, puisque vous avez utilisé l'énergie du soleil pour vous propulser le long du câble. Techniquement, ça paraît possible, même s'il y a des choses qui sont compliquées, hein. On pourrait se mobiliser tous pour faire ça à l'échelle d'une cinquantaine d'années. Ça ne me paraît pas complètement illusoire, quoi. En bref, toujours, une équipe de chercheurs annonce avoir mis au point un nouveau produit aussi puissant que la morphine, mais sans ses effets secondaires. On rappelle que la dépendance aux opioïdes est la cause de très nombreux décès chaque année. En 2016, ce sont 60 000 Américains qui sont morts d'une overdose de morphine. Alors, une équipe américano-japonaise vient d'annoncer la mise au point d'un nouveau produit baptisé AT-121, capable des mêmes effets analgésiques que la morphine, mais sans induire d'effets secondaires indésirés. Les premiers tests ont été réalisés avec succès sur des primates non humains. Les essais cliniques sont à prévoir chez l'humain sans qu'une efficacité similaire puisse encore être garantie. Et puis après la démission de Nicolas Hulot la semaine dernière, un mouvement qui est né sur Facebook a pris de l'ampleur et appelle à une grande marche pour le climat demain. Cette marche pour le climat attend déjà plus de 16 000 personnes à Paris avant un départ prévu à 14h de l'hôtel de ville. De nombreuses autres marches pour le climat se tiendront également en France demain, à Bordeaux, Rouen, Lyon, Brive, Nantes, Orléans, Toulouse et j'en passe. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de la méthode si jamais vous voulez aller vous dégourdir les jambes. Et pour finir par notre rubrique de science improbable... Vous n'attendiez pas à entendre la Macarena dans la méthode scientifique. Tout est possible puisque la musique ne fait pas qu'adoucir les mœurs. Antoine, elle peut aussi sauver des vies. Oui, et le tube de l'été 1993, la Macarena par Los Del Rio, lui peut sauver des vies. C'est ce qu'avancent des chercheurs de l'université de Barcelone qui affirment que cette chanson a le rythme parfait pour pratiquer un massage cardiaque entre 100 et 120 pressions par minute. Pour prouver ça, les chercheurs ont recruté 164 étudiants en médecine comme cobayes et les ont séparés en trois groupes, tous chargés de faire des massages cardiaque sur des mannequins pendant 2 minutes. Les résultats ont été les meilleurs chez ceux qui utilisaient un métronome réglé sur 103 coups par minute. Ceux à qui était conseillé de suivre mentalement le tempo de la Macarena ont été 74% à tenir la cadence. Enfin, ceux auxquels les chercheurs ont fait pratiquer le massage sans instruction ni repère ont été seulement 24% à suivre le bon tempo. Voilà. Est-ce que vous savez le nom de qui chantait la Macarena ? Non, je suis désolé. Vous l'avez oublié, c'est Los Del Rio. Je vous remercie de me le rappeler. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez partir en musique pour enchaîner sur votre week-end festif. Merci beaucoup. En Espagne, merci et à beaucoup. À la semaine prochaine, Antoine. La méthode scientifique, Nicolas Martin. No sacrifice this afternoon, Doctor. Or ever again. Will prove to the people that you don't need to sacrifice a human being in order to make it rain. Barbara, no. It's no good, Doctor. My mind's made up. This is the beginning of the end of the Sun God. What are you talking about? Oh, don't you see? If I could start the destruction of everything that's evil here, then everything that is good would survive when Cortez lands. But you can't rewrite history. Not one line. Barbara. What you are trying to do is utterly impossible. I know. Believe me, I know. Vous venez d'entendre un extrait de la toute première saison des aventures du Docteur Who, à l'époque interprété par William Hartnell, Docteur Who qui dit donc à sa comparse qui veut éduquer les Aztèques pour les empêcher de commettre des sacrifices rituels. You can't rewrite history, vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Eh bien, c'est précisément ce que nous allons faire tout au long de cette heure en compagnie de Karine Gobled, qui est auteure avec Bertrand Campelli du guide de l'Uchronie chez Helios et Xavier Delacroix, qui dirige l'ouvrage collectif L'Autre Siècle, ouvrage qui imagine que l'Allemagne a gagné la Première Guerre mondiale. C'est publié chez Fayard. Voilà, ce sont donc deux uchronies, des tentations de réécrire l'histoire à partir d'un point de bascule. Peut-être on peut commencer, Karine Gobled, par un peu de définition ou d'histoire du genre. Qu'est-ce qu'on appelle précisément une uchronie ? On appelle une uchronie un texte, généralement un roman ou un texte ou un essai sérieux, autour de l'histoire à partir d'un point de divergence. Donc ça consiste à réécrire l'histoire passée, très proche d'un événement différent de ce qui est déjà arrivé. On peut aussi prendre un événement et puis réécrire l'histoire, mais très très loin dans le futur. Voilà, ce qui est plus la même démarche. Avec une démarche historique assez précise, on peut revivre par exemple des batailles, revoir une stratégie militaire, parce que ça a déjà été utilisé dans cette optique-là. On peut aussi retravailler la science historique, c'est-à-dire comment on raconte l'histoire, comment on perçoit l'histoire, et on peut aussi la revoir de manière plus, on va dire, tendancieuse, quand on peut partir sur du révisionnisme par exemple, ce qui est un danger qu'on peut subir en prenant un point de divergence assez compliqué. Dont on reparlera, hein, parce que sur ces points de divergence, il y en a quelques-uns qui concentrent beaucoup de récits. Xavier Delacroix, pourquoi avoir voulu vous engager dans cette aventure de compiler des textes, parce qu'il y a à la fois des récits, à la fois des articles qui partent qui décrivent cette nouvelle histoire où les Allemands ont gagné la Première Guerre mondiale, où on vous fait cohabiter des historiens et des romanciers. D'où vient le point de départ de cette initiative? Le point de départ, cher Nicolas Martin, il est assez ancien. C'est-à-dire que je me trouvais en Cagnes il y a maintenant quelques années. Et une professeure de Cagnes m'a fait lire un bouquin assez formidable qui n'est plus lu du tout aujourd'hui, qui est un livre qui a été écrit par Roger Caillois, qui s'appelle Ponce Pilate. Et Caillois imagine que lorsque Ponce Pilate doit choisir entre Barabbas et le Christ, eh ben c'est le Christ qui le libère. Autrement dit, il n'y a pas de christianisme. J'avais trouvé cette idée assez séduisante. Après, je faisais lire le livre à quelques amis IES qui m'a valu quelques succès, donc je me suis dit que l'Uchronie était quelque chose qui pouvait être intéressant. J'ai gardé ça dans un petit coin de mon esprit. Et puis la deuxième chose qui a fait rebondir, c'est 2014, 2015, 2016. Autrement dit, cette commémoration répétitive de la France sur et 14, et 15, et 15 et demi, et 16, et 16 et demi. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose sur ce pays qui a l'air d'entrer dans l'avenir avec un rétroviseur. Est-ce qu'on pourrait imaginer, non pas pour le refaire, mais pour essayer d'un petit peu de stimuler et les lecteurs, les historiens, imaginer quelque chose qui, techniquement, je pense que dans les co-auteurs de ce bouquin, il y a Stéphane Audouard-Rousseau, qui est donc le meilleur spécialiste de la guerre de 14. Qui signe le premier texte qui décrit justement ce nouveau déroulé. Et ce que dit Stéphane Audouard-Rousseau, c'est techniquement et militairement, en septembre 14, la France peut perdre la guerre. Il faut pas grand-chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe si... Alors, on va en rediscuter, mais au-delà de la dimension purement uchronique et donc d'imaginer quelle serait une autre histoire, ce qui m'a paru séduisant, c'est de demander à des gens dont le métier est de définir la réalité, de passer leur temps à regarder des archives et du réel, de les faire jouer à contre-pied, chacun dans leur domaine de spécificité, et d'y ajouter, paradoxalement, des romanciers où c'est les historiens qui leur demandent de dire, eh bien, écoutez, vous allez écrire une nouvelle sur quelque chose qui n'est pas advenu. Et c'était le mélange des deux qui m'a séduit dans cette histoire. Voilà. On peut citer, hein, vous citez Stéphane-Audouin Rouzeau, mais on peut citer aussi Robert Franck, Pierre Saint-Gravelou, pardon, Pierre Lemaitre, Pascal Horry, Bruno Fulini, Quentin Deluermoz. Il y a oui, le casting est un peu luxe. Et très haut de gamme. Très haut de gamme. Je suis très fier de ce casting. C'est intéressant parce que vous avez réussi quelque chose qui est pourtant réputé assez difficile. J'en parlais avec mon collègue Emmanuel Laurentin de la Fabrique de l'Histoire. C'est de réussir à faire écrire des uchronies à des historiens. Les historiens sont un peu réfractaires, et surtout en France, Karine Gobled, hein, à l'uchronie. Oui, les historiens, ils aiment bien avoir une histoire, une vraie histoire. L'histoire vraie, l'histoire qui est inscrite dans le marbre. Ils ont déjà parfois du mal avec les nouvelles données qu'on peut récupérer. Hein. On va prendre, si je prends l'exemple des Gaulois, on a de plus en plus de données, et ça oblige à réécrire d'une certaine façon ce qu'on sait ou ce qu'on connaît. Donc ils sont très attachés aussi à la véracité historique. Donc ça, c'est un frein pour eux de faire de l'histoire contrefactuelle, parce que c'est tout simplement une histoire mensongère. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire, ça ne peut pas être de l'histoire. Uchronie, histoire contrefactuelle, là aussi c'est une question de terminologie, mais c'est une terminologie importante. C'est vrai que les historiens parlent plutôt volontiers d'histoire contrefactuelle, parce que c'est un exercice de l'esprit qui permet justement de jouer soit notamment sur des récits guerriers, sur des batailles, mais aussi sur le sens du point de bascule de l'histoire. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans le casting haut de gamme que vous évoquiez, il y a Saint-Gravelou et Deluermoz qui ont écrit le bouquin qui est publié au Seuil, qui est sur l'histoire contrefactuelle, donc avec une véracité, j'allais dire, historiographique, où ils ont analysé les choses. Donc c'était amusant de les prendre eux-mêmes, qu'ils se prennent eux-mêmes à contre-pied. Le plus amusant, pour rebondir sur ce que vous évoquiez, c'est que c'est un travail de 2 ans, ça. Et ces historiens en particulier, je les ai réunis chez moi, et je peux vous dire qu'il aurait fallu qu'il y ait une caméra. C'est-à-dire qu'il était assez intéressant d'imaginer des historiens s'engueuler sur du non-advenu. C'est-à-dire que, là je ne vais pas donner de nom, mais il y en a certains... Vous pouvez remarquer. Non, mais il y en a un en particulier qui était à deux doigts de quitter le groupe en disant « Non, je ne peux pas accepter que tel pays devienne telle chose. » Alors que, donc il s'engueulait sur du non-advenu, il s'engueulait sur du contrefactuel. Alors que leur métier, c'est par définition de définir la réalité. Bon, dans l'ensemble, c'est des historiens, et je rebondis sur ce que vous évoquiez précédemment sur la non-tradition française, ce sont des historiens qui ont un vrai prestige, un vrai nom, et qui peuvent se le permettre. Je crois que si j'avais pris des jeunes historiens, ça aurait été beaucoup plus compliqué, parce que vis-à-vis de l'historiographie française, la manière dont fonctionnent les choses, il est compliqué d'imaginer, de prendre les choses un petit peu à contre-pied. Quand vous prenez Pascal Horry, quand vous avez Robert Franck, ils peuvent se permettre, et ils s'amusent beaucoup, à jouer à contre-pied sur le non-advenu. Comment elle s'explique, cette défiance française ? Parce qu'effectivement, l'Uchronie, c'est par ailleurs plutôt reconnu, une habitude presque dans l'univers anglo-saxon, d'ailleurs chez les historiens comme chez les romanciers. Quelle est cette réticence française selon vous, Karine Gobled ? Alors, j'ai pas identifié la raison pour laquelle il y a cette réticence. Par contre, on remarque quand même au fil du temps que ça se détend, hein, au niveau de l'atmosphère. On a quand même le département d'histoire de l'École normale supérieure qui a mis en place un séminaire justement sur l'Uchronie. Donc, la jeune génération se pose la question du procédé. Il y a aussi le fait que ce procédé permet de réinterroger l'histoire, et que c'est pas forcément tous les jours facile dans la discipline, on va dire, universitaire telle qu'on la connaît, de mettre en danger comme ça les acquis et ce qu'on connaît, et notre connaissance. Hein. On a quand même un système universitaire et de recherche assez figé dans ces pratiques. Donc le fait aussi que d'autres historiens partent ou reviennent ou échangent aussi avec d'autres pays, on va dire, ouvre les horizons, par contre. Le terme uchronie est assez récent. Ouais. C'est Charles Renouvier. Voilà, Charles Renouvier qui l'a créé. Par contre, c'est pas lui qui a créé la première utopie. Donc lui, la première uchronie. Uchronie. Ah, mais c'est intéressant. Voilà. Alors, le lapsus, on va rebondir dessus. Donc Charles Renouvier forme le mot, hein, sur la base de l'utopie de Thomas More. Hein. Utopie, le lieu qui n'existe pas. Uchronie sur uchronos, le temps qui n'existe pas. Donc c'est de l'utopie dans l'histoire. Voilà. D'où la parenté qui est réelle. Par contre, la première uchronie, la première vraie uchronie, celle qui pose les canons du genre, c'est Louis Geoffroy. Et c'est quelques années avant, hein, Charles Renouvet, c'est 1857. La première uchronie, Napoléon et la conquête du monde, c'est 1836 par Louis Geoffroy. C'est une uchronie nostalgique napoléonienne. Donc Napoléon conquiert la totalité du monde connu, c'est merveilleux. Ça devient le premier empereur mondial. Ça devient le premier empereur mondial. C'était très, très, très couru à une certaine époque. Donc, les trois, ils posent le canon. Donc, ils posent le premier canon, c'est le point de divergence. Le choix de Napoléon est différent. Il décide de marcher sur Saint-Pétersbourg plutôt que d'aller à Moscou et de s'enliser dans l'hiver russe. Ensuite, il réécrit l'histoire sur une longue période, toute la carrière de Napoléon. Et il intègre deux procédés littéraires qui sont plus ou moins présents dans les uchronies plus récentes. Le premier procédé, c'est la mise en abîme. Donc c'est on a dans le bouquin, on a un passage qui donne l'histoire réelle, celle qu'on connaît. Voilà, donc c'est la mise en abîme. Et puis le deuxième, c'est le clin d'œil au lecteur. Donc on a Napoléon qui passe devant l'île de Sainte-Hélène et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, les personnages qui l'accompagnent ne comprennent pas pourquoi, mais il demande à ce que cette île soit détruite et il fait tirer le canon jusqu'à ce que l'île soit totalement rayée de la carte. Voilà. C'est intéressant parce que effectivement sur ses débuts et sur l'histoire napoléonienne, on voit comment l'Uchronie, lorsque ce sont les romanciers qui s'en saisissent, est une façon de transformer, de se réapproprier, de lisser, d'améliorer le récit national, le mythe national, Xavier Delacroix. Alors, vous parlez de Napoléon. Moi, je trouve qu'une des plus belles uchronies qui soit, elle est peu connue, mais c'est comme Caillois. Je pense que c'est celle de Simon Less qui s'appelle La mort de Napoléon, qui est une petite nouvelle où Simon Less imagine que Napoléon quitte l'île d'Elbe discrètement, se fait remplacer par un sosie et erre à travers l'Europe. Je laisse au lecteur le soin de lire la suite. Oui, c'est... L'intérêt de ce genre d'exercice, je trouve, et ce que j'ai pu faire avec les co-auteurs, historiens, c'est à la fois c'est non seulement de remettre en cause, enfin de partir sur un fait historique, et puis de jouer le clinamen de Lucrèce, c'est-à-dire cette petit décalage, qu'est-ce qui se passe si, voilà, mais aussi de renvoyer le lecteur à lui-même, c'est-à-dire que, au fait, d'accord, on me décrit une autre histoire. On me décrit quelque chose qui aurait pu se passer, que je sais, ça va être intéressant, ça va être fait avec talent, par des gens qui... Mais moi-même, qu'est-ce que ça raconte? Lorsque je mets ma vie sous une forme, un petit peu liée à une forme de déterminisme, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, le boulot de ma vie, est-ce que je peux pas réfléchir, si j'avais été sur l'autre trottoir ce jour-là, si ce matin-là je m'étais levé d'un autre pied, qu'est-ce que ça raconte? Et je trouve fort intéressant qu'aujourd'hui, et comme on le disait précédemment, c'est vrai que les Français, je pense, parce qu'il y a une tradition cartésienne qui est que on n'aime pas le what if, je pense que c'est intéressant qu'aujourd'hui, dans un monde où on est pas mal guidé par une forme d'incertitude, on se pose soi-même des questions et qu'on ait des ouvrages, des réflexions, à partir de l'histoire, à partir de vie plus personnelle, en se disant, au fait, et si, qu'est-ce que ça raconte, quoi? Alors, je vais tourner ma question d'une autre façon. Est-ce que, justement, outre l'aspect un peu, évidemment, vertigineux, outre le jeu de l'esprit, qui est toujours plaisant d'imaginer un autre déroulé aux événements, et puis on reparlera surtout des points de bascule, qui sont toujours des points de bascule, pour la plupart, des grands points de bascule traumatiques de l'histoire, d'un traumatisme collectif, individuel, autant au niveau individuel qu'au niveau national. Mais est-ce qu'il n'y a pas, finalement, comme dans tout récit de science-fiction, avant tout, une dimension politique à vouloir réécrire l'histoire? Sans doute, parce que les choses ne nous plaisent pas, ou parce que le déterminisme tel qu'on essaye de nous le mettre en place ne nous convient pas. Moi, je suis assez fasciné par l'aventure Macron. Parce que l'aventure Macron, on nous la présente, et on va nous la présenter, comme quelque chose de nécessaire. Moi, je suis intimement convaincu que c'est parfaitement accidentel. C'est-à-dire que si on rebobine un peu les choses, si Monsieur Montebourg et Monsieur Hamon ne font pas ce qu'ils font, eh ben ils restent en place. Ce que vous décrivez là est valable pour le 21 avril 2002, et si Lionel Jospin prend Christiane Taubira, on n'a pas Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Enfin, le cas Macron, je le trouve quand même extrêmement intéressant, parce qu'il est très original. Il va à l'encontre de tout ce que l'on raconte, de ce que racontent tous les éditorialistes politiques, et de ce que racontent, et ça serait intéressant de le voir, moi j'ai discuté avec des hommes politiques un peu haut perché, ils disaient, mais c'est une évidence que sans parti, sans structure, on n'y arrive pas. Or, il y arrive. Donc, bon, il y arrive, et on va nous expliquer, pour plein de bonnes raisons, le talent de l'homme, évidemment, l'environnement. Mais je pense que cette histoire, l'histoire Macron, là, il y a un an, elle met quelque part dans l'esprit des Français l'idée que le what if, il n'est pas inintéressant. Alors ça, la vie va être ce qu'elle est, le politique va être ce qu'il est, mais quelque part, on change un petit peu le paradigme et la manière que l'on a de raisonner sur... Sur les événements. Karine Goblet, justement, sur ce lien entre science-fiction et uchronie, finalement, sur ce qu'on va dire la science-fiction politique, c'est-à-dire les origines de la science-fiction, c'est-à-dire utiliser le futur pour jeter un regard critique sur un regard politique sur le présent. Réécrire l'histoire, c'est tout de même une entreprise éminemment politique. Ça dépend beaucoup des auteurs, effectivement. Mais oui, de toute façon, si on prend les uchronies qui relèvent de la science-fiction pure, hein, pas les uchronies historiques, sérieuses, etc. C'est rigolo que vous utilisiez l'adjectif sérieux, comme si les uchronies de science-fiction étaient moins sérieuses que les uchronies historiques. Parce qu'elles visent pas le même propos, en fait. Elles visent pas forcément une plausibilité historique, alors que les uchronies des historiens souvent visent cette plausibilité. C'est pour ça aussi qu'ils peuvent se disputer sur des faits non advenus. J'adore cette histoire. C'est génial de s'engueuler entre historiens sur quelque chose qui ne s'est pas produit. Non, l'Asie ne peut pas avoir. Non, je trouve ça super. C'était vraiment ça. On imagine bien que c'est là-dessus parce que c'est l'Afrique était pas mal non plus. Ouais. il faut lire. On va pas dévoiler. On reviendra sur l'autre siècle tout à l'heure. Karine Goblet. Et ce qui fait qu'en fait, pour les écrivains de science-fiction, le champ est beaucoup plus large parce que ils l'utilisent comme un procédé. C'est-à-dire, je réécris mon histoire ou je réécris l'histoire, peu importe quelle histoire, une grande histoire, une petite histoire, à partir d'un point de divergence. Et donc, j'utilise ce procédé pour faire passer, alors pas forcément un message, mais en tout cas pour porter ma vision du monde, donc porter de la critique sociale, porter des nouveautés, enfin des pistes d'amélioration ou que sais-je. Donc ce n'est qu'un procédé pour eux. Là où pour boucler sur cette question politique, on va passer à autre chose, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Churchill fait de l'uchronie. Ouais. Churchill fait de l'uchronie quand il écrit If It Had Happened Otherwise en 1931, où les États-Unis, où les confédérés ont gagné la guerre de sécession. Enfin, je veux dire, c'est malgré tout un jeu de l'esprit très politique, utilisé par des politiques pour faire de la politique. On a aussi des grands romanciers américains qui l'ont utilisé. Philip Roth, il l'a utilisé dans Le complot contre l'Amérique. Plus récemment, on a Paul Auster qui s'y met aussi sur l'uchronie personnelle. Et donc, on n'est pas sur la même démarche qu'un écrivain de science-fiction qui va poser une uchronie comme Robert Silverberg avec son empire romain millénaire. Mm-hmm. Voilà, on n'est pas sur la même démarche. Bien sûr. C'est intéressant qu'on parle des États-Unis avec Roth et Philip K. Dick. Les Américains. Ou Norman Spinrad. Hein. Ouais, le printemps russe de Spinrad, c'est une magnifique. Les Américains sont très là-dessus. J'ai eu la chance de visiter le champ de bataille de Gettysburg, qui est un champ de bataille assez impressionnant, le lieu. Qui est l'un des points de bascule souvent utilisés en uchronie pour les auteurs américains. Il est assez impressionnant de voir que les guides, qui sont très bien formés, qui sont remarquables, insistent énormément, en particulier sur un événement qui est, je ne me souviens plus précisément, mais c'est un jeune universitaire de Yale ou de Harvard qui, s'il ne prend pas cette butte-là, la bataille bascule différemment. Et il le présente vraiment comme ça. Il n'y a pas de dimension historique globale sur l'île, les confédérés et autres. Il insiste sur un événement et il y a un côté what if. C'est très américain sur le what if et sur le point de bascule. Et dernière question à ce sujet, ce qui est intéressant finalement, on laissera toutes, puis je vais vous renvoyer, on va vous retrouver les liens, on va vous les mettre sur le fil Facebook de l'émission, parce que Emmanuel Laurentin a souvent creusé à plusieurs fois cette histoire de l'Uchronie de mon point de vue vraiment historiciste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive derrière ces récits, quels qu'ils soient historiques ou plus orientés science-fiction, vers la question de savoir si ce sont les hommes qui font l'histoire ou s'il y a un déterminisme historique, si c'est l'histoire qui fait l'homme, Karine Goblet. Oui, et c'est pour ça qu'en uchronie, généralement, c'est la démarche de l'histoire est faite par les grands hommes. Voilà. C'est plus facile de dire, bon voilà, on va par exemple faire en sorte que Adolf Hitler rentre à l'école des Beaux-Arts de Vienne. Ou encore Erich Emmanuel Schmidt, oui, la part de l'autre. Aussi, voilà. Donc on est dans ce type de démarche, c'est plutôt, l'histoire elle est plutôt faite par les hommes, alors que une autre théorie veut que l'histoire elle est plutôt faite par les courants et après les courants d'idées et qui sont incarnés par des hommes. Et on a d'ailleurs les chroniques des années sombres de Robinson qui a fait aussi Mars la verte, Mars la rouge, oui, etc. Oui, qui reprend cette théorie et en fait il réécrit l'histoire de l'Europe à partir de la Grande Peste. Et là pour le coup ce sont les courants qui font l'histoire et derrière ils sont incarnés par des personnalités historiques différentes. Oui, et on trouve d'ailleurs dans un certain nombre d'uchronies, on y reviendra, que finalement on a beau parfois changer un élément de l'histoire, on retrouve soit cette espèce de persistance historique, soit l'histoire colle vraiment à sa trame et on revient au point de départ, soit au contraire on empire les choses finalement. L'histoire et les hommes n'auraient fait qu'améliorer la trame dramatique ou catastrophique de la croix de la tendance naturelle du fil historique. Ouais, enfin bon, ça... C'est très hégélien, dire est-ce que c'est l'histoire qui fait les grands hommes qui font l'histoire, enfin Proudhon au fronton de... Les forces profondes, les infrastructures de Brodel, voilà, etc. Hein. Ou le fronton du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, ils proposaient qu'on mette à la patrie les grands hommes reconnaissants. Ce qui était pas... Voilà. Moi j'aime bien, il y a une phrase de Nicolas Gomez-Davila qui a écrit ça dans un bouquin qui s'appelle Carnet d'un vaincu, qui dit « Le plus ironique dans l'histoire, c'est que prévoir soit si difficile et avoir prévu si évident. » Je trouve ça assez joli, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça nous rassure, quoi. Ça nous rassure d'imaginer qu'on est dans un flot, dans une forme de déterminisme. Il peut y avoir des petites promenades à droite ou à gauche, mais globalement, et puis on va se faire quelques bouquins à droite ou à gauche pour essayer de penser autrement. Mais globalement, le fait d'imaginer, alors après ça renvoie à des choses philosophiquement plus lourdes qui peuvent être la religion et autre chose, mais le fait d'imaginer que on est là à se promener dans un univers où rien n'est maîtrisé est assez difficilement acceptable par un être humain plutôt occidental de l'hémisphère nord. Mmh. D'où l'idée de canaliser ça et d'essayer de trouver des manières de s'en sortir. Si ça marche pas, c'est pas grave, c'est parce que c'était prévu comme ça. Alors l'un des points structurants des Uchronies, c'est ce qu'on appelle le point de bascule, celui à partir duquel l'histoire diverge, et ces points sont le plus souvent saillants, sont des points, on le disait tout à l'heure, liés à des traumatismes collectifs, des traumatismes individuels, au premier rang desquels, bien sûr. If you could do anything with your life, what would you like to do? Well, my father told me what it was like before the war. He said every man was free. I want my country back. I pledge allegiance to the flag of the Axis powers of America and to the republic for which it stands. One nation under rule, divided with liberty and justice for none. Extrait du Maître du Haut Château, The Man in the High Castle, la série adaptée de l'œuvre de Philip K. Dick. Vous entendez The Axis Powers of America, c'est une uchronie au cours de laquelle l'Allemagne nazie et ses alliés ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, les États-Unis sont partagés en deux avec toute la partie Est qui appartient à l'Allemagne nazie donc, et l'Empire japonais règne sur la côte pacifique. Karine Goblet, c'est vraiment, je pense que si on faisait des statistiques, ce que vous avez fait, la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, c'est quand même vraiment le plus gros volume du chronique contemporaine en tout cas. Ça a inspiré énormément de romanciers qui veulent faire changer le cours de ce traumatisme occidental aussi. Oui, ça l'est. Alors c'est un traumatisme occidental, mais pas que occidental, puisqu'effectivement c'est une guerre mondiale, et c'est une guerre avec un génocide extraordinairement puissant. Tout un peuple, quand même, qu'on essaye d'éradiquer, mais pas que le peuple juif. D'ailleurs, il y a aussi tout ce qui est considéré comme déviant à une norme, qui est la norme aryenne, qui est posée quand même selon des canons qui vont puiser dans la mythologie, dans différentes mythologies. Donc il y a un poids très fort du passé aussi sur cette culture, et ce qui fait qu'effectivement c'est un grand traumatisme, et bizarrement c'est un traumatisme auquel on arrive pour autant à exorciser par des récits, autrement que par des témoignages. Les témoignages c'est assez violent, c'est assez froid, c'est assez clinique, et c'est assez impressionnant. Par la fiction, on peut se distancier par rapport au traumatisme, et puis aussi il y a un devoir de mémoire qui se met en place, c'est-à-dire ne jamais oublier ce qui s'est passé. Dans l'Uchronie autour de la Seconde Guerre mondiale, alors ça va dans tous les sens, hein. C'est encore Spinrad dans Rêve de fer qui écrit que Hitler est blessé en Première Guerre mondiale, il devient écrivain de science-fiction à New York. Ça va, c'est des gens qui essayent de retourner dans le passé pour tuer Hitler. Bref, on y va dans tous les sens. Il y a une vertu, mais comme pour par exemple la guerre de sécession, une vertu curative, une vertu cathartique à l'écriture de l'Uchronie. Oui, je suis moins spécialiste que Madame Goblet là-dessus, mais je pense que c'est le dernier événement dramatiquissime du siècle. Et donc, comme l'inacceptable, l'inimaginable est arrivé, quelque part dans l'esprit humain, on imagine une manière d'offsetter ça, et donc de changer les choses. Alors, voilà, est-ce que c'est Hitler ou est-ce que c'est la montée? C'est un vrai sujet, ça, parce que... La montée du nazisme. Voilà, il y a le personnage Hitler... Est-ce que on élimine Hitler, il se passe autre chose? Est-ce que, au contraire, la montée, et là on voit bien, malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, mais est-ce que l'Allemagne des années 30, elle ne ressemble pas à d'autres choses? Et est-ce que finalement, bah vous retirez Hitler, mais vous en mettez un autre. Est-ce qu'on n'y arrive pas? Donc, le plaisir d'histoire de Stephen Fry qui propose de, enfin, qui tue Hitler, et il y a quelqu'un de pire qui prend sa place. Voilà, et finalement, l'Allemagne nazie gagne la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quelque part, comme vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, c'est la vraie réflexion. Elle est sur est-ce que les mouvements, et je trouve l'interrogation stimulante, c'est celle-ci. C'est est-ce que les mouvements historiques ont une force autonome et les hommes ne font que servir ces forces autonomes, ou est-ce que des hommes sont capables de tordre les choses? Je veux dire, Churchill, Hitler, De Gaulle, est-ce que c'est des gens créés par le drame absolu que représente cette époque-là, ou est-ce qu'au contraire, c'est une génération d'hommes exceptionnels qui, à un moment donné, sont capables de faire face à des situations incroyables? Karine Goblen. Et c'est aussi la question de l'inhumanité. Ce qui s'est passé, c'est totalement inhumain, c'est inconcevable, c'est monstrueux. La question, c'est est-ce que Hitler était un monstre, auquel cas c'est très facile et tout le monde peut se dégager de sa propre responsabilité, ou est-ce l'humanité en elle-même qui porte sa part de monstruosité et qui est capable des pires atrocités? Auquel cas, ça pose la question aussi de nos limites et nos capacités à faire le bien ou le mal. La réponse, lisez Hannah Arendt. Oui, lisez ou relisez Hannah Arendt. Oui, cette obsession, on parle même d'obsession uchronique pour cette Seconde Guerre mondiale. Il y a une page Wikipédia qui recense les uchroniques qui sont liées à la Deuxième Guerre mondiale. Mais justement, Xavier Delacroix, pourquoi vous avoir choisi de changer l'issue de la Première ? Parce que je pense que le XXe siècle, il est déterminé par la Première Guerre mondiale. Ce que l'on vient de discuter là sur la Seconde n'est que la conséquence, malheureusement, de la Première. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la Première Guerre mondiale, il y a un autre siècle. Ce que l'on a écrit avec mes collègues historiens et romanciers, c'est le XXe siècle, tragique en moins. Voilà. Donc, par définition... Le tragique, enfin, il y a tout de même 400 000 morts dans votre Première Guerre mondiale, essentiellement français. Vous avez raison. Par rapport à ce qui s'est passé sur la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et autres, voilà. Je vous interromps parce que je déroule le film. Mais est-ce qu'on peut pas remonter à la guerre d'avant? Est-ce qu'on peut remonter à 1870? Est-ce qu'on peut pas finalement on remonte à Napoléon? Mais bon, encore une fois, la dimension historique, elle est réelle. Je crois que ce que j'ai voulu faire avec mes petits camarades, c'est plus interroger le lecteur. Encore une fois, ça n'est pas seulement leur dire « ça aurait pu se passer autrement ». C'est interroger le lecteur à travers des historiens, les meilleurs dans leur genre, qui pensent différemment, des romanciers qui, sur la base que leur disent les historiens, leur écrivent des nouvelles. Et encore une fois, c'est un miroir tendu au lecteur. De dire « repensez à votre existence aujourd'hui et à quoi elle peut ressembler ». C'est plus ça. Mais pour revenir à votre question... Je crois que l'acte fondateur du XXe siècle, oui, c'est ce qui se passe en août 14, malheureusement. Et alors après, bon, ce qui se passe en 19, le traité de Versailles. Qui existe encore, mais dans l'autre sens, vous décrivez en effet miroir. C'est Stéphane Audouin-Rousseau, le premier article, qui est vraiment une description, un descriptif du déroulé de cette Première Guerre mondiale alternative. Exactement. Et derrière, qu'est-ce qui peut basculer? Mais il y a des choses qui changent, et puis il y a des rémanences. Parce que le chapitre passionnant de Pascal Horry montre que il y a beaucoup de choses du XXe siècle, en particulier dans le domaine de l'histoire des idées, dans le domaine de la culture. C'est le dernier chapitre. Qui était déjà présent en 1912-1913, quand il parle de Kandinsky, quand il parle, voilà. Et c'est assez. Il parle de la New Wave de François Truffaut, qui est, du coup, est né aux États-Unis, à New York, notamment. Voilà, après, il s'amuse, parce que c'est un personnage formidablement cultivé, donc il s'amuse à jouer avec plein de choses. Mais par contre, la base de ce qu'il raconte, et si vous avez l'occasion de l'inviter ou quelqu'un sur France Culture, il a un discours extrêmement séduisant et convaincant sur le XXe siècle, culturellement, artistiquement, est déjà très largement présent au tournant du siècle. Guerre ou pas guerre, drame ou pas drame. C'est assez intéressant de voir justement les rémanences, les permanences et voir les accidents. Ce qui est intéressant, c'est donc il y a ces articles historiques qui sont un peu objectivistes, qui redécrivent les rapports de force, les batailles. D'ailleurs, question, tout commence à la bataille de la Marne. Pourquoi la bataille de la Marne? Pareil, c'est Stéphane Audouin-Rousseau qui vous a dit que c'était là le tipping point de l'uchronie de la Première Guerre. Parce que ça bascule à rien là. Il y a 400 000 morts. C'est une super guerre de 70. Il faut pas grand chose. Si les Allemands poursuivent le plan Schlieffen et ne s'arrêtent pas, ils vont à Paris. Maintenant, tous les historiens sont d'accord là-dessus. Bon, mais ils s'arrêtent et j'offre à l'intelligence de faire la contre-attaque qu'il faut. Ça se joue à pas grand-chose. Voilà. Alors, c'est là où on peut vraiment débattre. Bon, débattre, c'est une espèce de spéculation intellectuelle. Parce que de toute façon, ça ne s'est pas passé comme ça. Après, nous, on a fait des histoires sur les taxis de la Marne, sur Gallieni, qui sont parfaitement... les taxis de la Marne ont rien joué du tout. Ils ramènent quelques milliers d'hommes, mais c'est dérisoire par rapport à ce qui se passe. Si les Allemands poursuivent, ils sont à Paris. Qu'est-ce qu'ils passent s'ils sont à Paris? En octobre 1914, le siècle est sans doute très très différent. la guerre, la France capitule très très rapidement. Il y a un moment d'hésitation entre deux gouvernements, le gouvernement de Paris, le gouvernement de Bizerte. Ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, L'autre siècle, c'est que donc il y a ces récits historiques et puis il y a ces récits romanesques, ces petites nouvelles qui viennent éclairer des micro-histoires à l'intérieur de la grande nouvelle histoire. Ouais. Notamment, j'adore Landru. Non mais c'est assez l'idée voilà. Est assez géniale. Voilà, donc j'ai demandé à des romanciers, je leur ai donné la trame, je dis voilà, la France a perdu en 14 et on est dans les années 20 et imaginez ce qui se passe. Et donc Bruno Fulini s'est amusé à, je vais pas raconter parce que voilà, l'auditeur achètera le livre j'espère et lira, mais imagine ce que devient Landru. On imagine ce que devient Leni Riefenstahl. On imagine, il y a des personnages que l'on a connus dans des situations un peu délicates, ils deviennent autre chose. Voilà, c'est encore une côté le what if et comment la grande histoire façonne la petite, façonne les individus, façonne des histoires. Donc là, on est dans Karine Noblet, on est dans de l'uchronie pur jus, c'est-à-dire que vraiment on part d'un point, on le modifie et puis on laisse l'histoire remplir cette brèche qu'on a ouverte peut se dérouler à nouveau. Néanmoins, il y a plein de sous-genres et notamment il y a aussi beaucoup, souvent dans l'uchronie, la tentation du voyageur temporel, c'est-à-dire on vient du présent et on va rectifier les choses. Oui, alors là, il y a ce côté, effectivement, on vient rectifier les choses, ou se dire, on a des voyages temporels qui peuvent avoir des impacts, parce que forcément, à partir du moment où quelqu'un voyage dans le temps, il y a un impact. Donc, si un voyageur temporel se rend dans le passé, il risque de modifier la trame temporelle, et donc, il faut empêcher ce visiteur temporel de faire la modification, ou remettre l'histoire sur les rails, et ainsi de suite. Donc, ça donne des romans assez vertigineux là-dessus. Par contre, effectivement, du point de vue de la théorie, on tombe sur des univers parallèles, parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire telle qu'elle a été, en dehors de ce qu'elle a été, ça n'est pas possible. L'histoire, souvent dans les histoires de voyage temporel, l'histoire résiste, elle n'aime pas beaucoup qu'on vienne la tripatouiller, la modifier, c'est exactement ce qui se produit, comme quand on essaye notamment d'empêcher l'assassinat d'un célèbre président. Je vais te dire un truc qui va te paraître complètement barge. Je veux que tu entres dans ce placard. Et jette un coup d'œil autour de toi. Je te raconterai toute l'histoire. Tu veux que j'entre dans ce placard ? C'était quoi ce bordel, hein ? C'était le 21 octobre de l'année 1960. Je veux que tu retournes dans ce placard et que tu empêches l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Si jamais tu parviens à faire un truc qui emmerde le passé, le passé aussi viendra t'emmerder. Et oui, le passé viendra t'emmerder parce que l'histoire résiste. Extrait de 22-11-63, la mini-série adaptée du roman de Stephen King où un voyageur temporel va retourner dans le passé et va tenter d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même, je vous pose la question à tous les deux, Karine Goldbeck, Xavier Delacroix, un piège dans l'Uchronie, dans cette tentative de réécrire l'histoire, est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même un piège moraliste ? Vaste question, Karine Gobled. Vaste question, oui. Il peut y avoir un piège moraliste, oui. Il peut y avoir un piège tout court, c'est-à-dire de dire je ne veux pas que l'histoire bouge, je ne veux pas que l'histoire change, je ne veux pas que l'histoire telle que je la connais n'existe plus. Pour moi, c'est une posture qui peut être aussi très très figée et empêcher le développement aussi de nouvelles idées, par exemple. C'est ce que disait Xavier Delacroix tout à l'heure quand il parlait de rentrer dans le futur avec un coup d'œil dans le rétroviseur. On ne peut pas avancer en regardant toujours derrière, effectivement. Xavier Delacroix, oui, enfin, corriger l'histoire, c'est très orgueilleux tout de même. C'est orgueilleux. Encore une fois, j'y vois deux intérêts à cet exercice, qui est un exercice évidemment éminemment intellectuel. Le premier, c'est de renvoyer à chacun d'entre nous et de se dire, c'est quoi mon existence? Comment je me rassure à force de déterminisme et où est l'accident? Voilà. La deuxième est plus franco-français. Je trouve qu'on a une fâcheuse tendance à être très commémorationniste dans ce charmant pays et à défaut d'avoir un dessin, une vision, un avenir, de se dire, on a un passé. Et on commémore du passé, et puis sur ce passé, on fait des formes de variations. Alors, il y a le passé qu'on commémore, et puis il y a le passé qu'on aurait pu éventuellement modifier. Mais si ça pouvait tout ça nous amener à regarder un petit peu les choses différemment et à se dire, on a un passé dont on doit être fier pour certaines choses, moins fier pour d'autres, acceptons de le regarder, mais surtout, dotons-nous d'une vision, d'un regard, d'une perspective, je trouve que ça serait plutôt intéressant. Donc si ce genre d'exercice intellectuel, qui est vraiment un pur exercice intellectuel, peut amener le lecteur, parce qu'au final c'est quand même de ça dont il s'agit, à se stimuler un peu le cerveau, à se remuer un peu les neurones et à sortir d'une forme de viscosité mentale qui facilite une pensée un peu facile, je trouve que ça serait plutôt pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de... d'ingénuité à croire que tout repose précisément sur ces tipping points, que l'histoire repose sur une seconde cruciale qui va faire s'inverser le cours du récit historique. Je pense que ça renvoie, vous avez raison, mais je pense que ça renvoie aussi à l'individu. L'individu étant, j'allais dire, broyé par le système et par la multitude, d'imaginer à travers une lecture, moi je pourrais, ou moi je pourrais, un petit côté retour vers le futur, moi, individu, qui suis pris dans un maelstrom, qui maîtrise finalement très peu de choses lorsque je veux bien avoir l'honnêteté de me regarder dans la glace, eh bien, je pourrais peut-être imaginer que quelqu'un, c'est-à-dire moi, peut un peu bouger les choses. Donc c'est quelque part reprendre un petit peu le contrôle d'une vie où on pourrait avoir le sentiment qu'elle nous échappe assez largement. Alors, je vais pas revenir vers mon obsession de l'Uchronie politique, mais tout de même, est-ce que quand on voit cette réticence française envers le genre en règle générale de l'Uchronie par rapport au monde anglo-saxon, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la bataille de Gettysburg et sur les guides touristiques, est-ce que ça voudrait dire, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de sentiment de cohésion plus fort par rapport à notre mythe national, que on colle un peu d'un peu plus près justement à ce grand récit de l'histoire de France plus que les anglo-saxons ? Moi, je serais plus sévère que vous. Moi, allez-y. Non, j'aurais tendance à penser qu'on est intellectuellement moins honnête. C'est-à-dire que nos amis anglo-saxons sont capables d'ouvrir des yeux peut-être un petit peu plus grands que les nôtres et que de dire « what if ?» Nous, what if, on n'aime pas beaucoup, quoi. Voilà, what if, on a du mal, c'est comme ça, ça s'est passé, et on va le déterminer comme ça parce que ça nous rassure, parce que ça correspond assez bien à une logique cartésienne de fonctionnement carré. On est plus dans le point... Nous, on est plus dans le point d'exclamation que dans le point d'interrogation. Oui. Karine Goblet ? C'est constitutif aussi d'une identité. C'est on se crée une identité en tant que nation qui est issue du passé, de notre passé, de notre histoire. Et c'est, comme c'est très figé, ça nous donne une nation qui n'est pas forcément non plus très ouverte. Sur le, une culture très ouverte sur le, l'ailleurs, l'exotisme, etc. Aux États-Unis, ou même en Grande-Bretagne, ils ont l'habitude d'accueillir du multiculturalisme. Hein. Je veux dire, Londres, c'est une métropole multiculturelle. Chez nous, Paris, c'est une métropole multiculturelle, mais quand même un petit peu moins. Quand même, voilà, beaucoup moins même. Il y a quand même un peu plus de phénomènes de racisme, d'intolérance. Il y en a beaucoup aux États-Unis aussi pour d'autres raisons. Hein. Ce ne sont pas les mêmes raisons historiques, évidemment. Alors, on a beaucoup parlé. On parle beaucoup de facto à cause de cette répartition entre Uchronie anglo-saxonne et Uchronie française. On a dit voilà, si la Deuxième Guerre mondiale, si JFK en France. Alors la première c'était Napoléon, mais quelles sont les Uchronies françaises, Karine Goblet ? Quels sont les points d'histoire qui ont été re-racontés ou qu'on aurait envie de re-raconter ? Ah, on en trouve sur toutes les périodes. Alors pas en masse, effectivement en masse c'est la Seconde Guerre mondiale, ensuite la première Guerre mondiale, on aime aussi bien ce terrain-là. On a des Uchronies sur, autour de Vercingétorix aussi, de C'est-à-dire, César. Par exemple, si Vercingétorix avait perdu... Avait gagné, Alésia, oui. On a le dernier des Francs, de Michel Pagel, par exemple, qui imagine qu'on arrive à assassiner César, et donc la Gaule, enfin Vercingétorix, gagne, justement, et donc la France reste France, hein, France. Franck, voilà. On a ce genre de d'Uchronie, donc on a beaucoup de choses. On a l'Uchronie aussi de, alors une très belle Uchronie, hein, une Uchronie fleuve avec une multiplicité de points de divergence, avec un effet papillon sur plusieurs domaines, que ce soit la culture ou la politique. C'est rêve de gloire. Oui, l'effet papillon, redit en un mot. Alors, tout de même ce que c'est. L'effet papillon, en fait, c'est quand on modifie quelque chose dans la trame historique, on a de fait d'autres modifications qui surviennent. Donc on a des modifications, par exemple, en politique, mais on a des modifications aussi dans la société, sur les arts, sur la culture, etc. C'est plutôt ça l'effet papillon. Et donc dans Rêve de gloire de Roland C. Wagner, on a une uchronie politique au départ, puisque De Gaulle ne meurt dans un attentat, hein, l'attentat du Petit Clamart, hein, qui finalement a lieu. Et donc ça change complètement l'histoire, notre histoire, la guerre d'Algérie, etc., etc. On peut aussi citer la trilogie de Pierre Bordage, Ce qui où la Révolution française est un échec aussi. Et où Ferry et Gambetta, de mémoire, il n'y a plus de droit à l'instruction. C'est ça, voilà. Il n'y a plus de droit à l'instruction, effectivement. Xavier Delacroix, sur ces uchronies françaises, justement, vous pensez que aujourd'hui, il faut distinguer votre travail qui est effectivement un travail d'uchronie historique avec tous vos collaborateurs. Il y a aussi de plus en plus une tentation de se rapprocher du présent, de se dire à très très courte échéance. Et si il y a un récit d'ailleurs sur, par exemple, Dominique Strauss-Kahn, s'il n'y avait pas eu l'affaire du Sofitel, et si. Bah oui. Je crois que le sujet d'interroger nos propres vies se fait à la lumière des récents événements qui se sont pu se passer. Donc, Strauss-Kahn, c'est à la limite, il se passe quoi si il se passe le Sofitel, mais s'il est dans l'avion, il est en bout de piste et l'avion est en train de rouler et il décolle. Les mêmes informations, autrement dit, c'est 2 heures d'écart. Il est dans l'avion, on fait quoi? On le fait revenir l'avion, on le fait pas revenir? Je pense pas qu'on le fasse revenir. Il se passe quoi? C'est des spéculations à la fois qui sont stimulante, amusante, pertinente, parce que ça se joue à pas grand chose, et qui renvoie à la conversation que l'on a eue tout à l'heure, qui est de dire, bon, alors, est-ce qu'il y a une espèce de déterminisme d'une social-démocratie incarnée par Strauss-Kahn, et puis par défaut par François Hollande, Manuel Valls après, et puis quelque part Macron aujourd'hui? Et finalement, les personnages ne jouent pas de rôle, c'est-à-dire que, voilà, ils ne sont pas importants. Ou est-ce qu'au contraire, ben Strauss-Kahn est déterminant? Je trouve qu'au moins la question est intéressante. La question est intéressante, pas tellement pour la réponse que l'on y apporte, mais encore une fois, parce que le lecteur va ramener ça à question à sa propre existence, à sa propre vie. Moi, dans cette histoire, je fais quoi? Mon conjoint, mes enfants, mon boulot, mes vacances, mon changement de trottoir. Ça, je trouve ça assez stimulant. Ce qui est intéressant, c'est que ces uchronies, aujourd'hui, elles figurent souvent dans les pages d'été de vos grands quotidiens qui s'amusent à penser, justement, l'histoire politique à court terme, comme si elle s'était déroulée autrement. Karine Goblet, vous vouliez intervenir? Sur l'histoire de Strauss-Kahn, il y a le bruit de la douche. J'ai perdu le nom, voilà. Et ça tient vraiment, à pas grand chose. C'est juste une histoire de batterie de portable, qui empêche la femme de ménage, Nafisa Diallo. Voilà, d'entrer dans la chambre de Strauss-Kahn. Elle n'a plus de batterie sur son téléphone, elle ne peut pas écouter de la musique, donc du coup, elle ne rentre pas dans la chambre au moment où il sort de la douche. Et c'est vraiment rien du tout. Merci beaucoup, en tout cas, tous les deux, d'être venus nous parler de ces uchronies. Donc, je rappelle, L'autre siècle, c'est une uchronie dirigée par Xavier Delacroix. C'est publié chez Fayard. Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne, c'est absolument passionnant, hein. Donc, des articles d'historiens, des nouvelles de romanciers, Stéphane Audouin-Rousseau, Pascal Horry, Robert Franck, Quentin Dullermoz, Pierre Lemaître, Pierre Singaravelou. C'est chez Fayard, c'est passionnant. Et ça raconte l'histoire parallèle de cette Europe où la France aurait perdu en 1914. Et puis, si vous voulez tout savoir sur l'Uchronie, toutes les références, un grand nombre de références dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est dans le guide de l'Uchronie. C'est une nouvelle version par Karine Gobled et Bertrand Campéis. C'est en poche aux éditions Helios et c'est une nouvelle version donc revue et augmentée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Tom Humdetschok, Olivier Bétard à la réalisation. Et c'est Alex Dang à la technique. Quoi, j'ai eu un petit don. N'oubliez pas que cette semaine, on reprend également les idées claires. Tous les mercredis, on vous met en ligne un podcast natif et une vidéo sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter qui va débunker, vous raconter à partir d'une parole scientifique eh bien, ce que l'on sait d'une fausse nouvelle, d'une fausse information, d'une théorie du complot. Aujourd'hui, existe-t-il un remède universel contre le cancer? Un petit mot pour vous dire que la semaine prochaine, dans La Méthode Scientifique, lundi, on vous parle du vieillissement cellulaire qui peut être inversé, mardi, de l'étude des vents depuis la stratosphère, mercredi, de l'hadronthérapie, c'est la lutte contre le cancer via des projections de protons, jeudi, de l'histoire des grandes erreurs scientifiques, et ce sera un vendredi, table ronde d'actualité des sciences et de la recherche. Demain, Étienne Klein, quand l'endurance dépasse les bornes, c'est le sujet de la conversation scientifique à 16h. Nous, on se retrouve lundi à 16h également, jusqu'à preuve du contraire.